Mais où se trouvait-il en dernier lieu? Demanda Paganel. Chez les Calciques, Calfoucoura, répondit Thalcave. Sur la ligne suivie par nous jusqu'ici? Oui. Et quel est ce cacique? Le chef des Indiens Poyuche. Un homme à deux langues, un homme à deux cœurs. C'est-à-dire fou en parole et fou en action, dit Paganel, après avoir traduit à ses compagnons cette belle image de langue patagone. Et pourrons-nous délivrer notre ami? Ajouta-t-il. Peut-être, s'il est encore aux mains des Indiens. Et quand en avez-vous entendu parler? Il y a longtemps, et depuis lors le soleil a ramené deux étés dans le ciel des Pampas. La joie de Glenarvan ne peut se décrire. Cette réponse concordait exactement avec la date du document. Mais une question restait à poser à Thalcave. Paganel la fit aussitôt. Vous parlez d'un prisonnier, dit-il. Est-ce qu'il n'y en avait pas trois? Je ne sais, répondit Thalcave. Et vous ne connaissez rien de sa situation actuelle? Rien. Ce dernier mot termina la conversation. Tout se rapportait évidemment au capitaine Harry Grant. Le lendemain, 25 octobre, les voyageurs reprirent avec une animation nouvelle la route de l'Est. Le 26, la journée fut fatigante. Il s'agissait de gagner le Rio Colorado. Le soir même, par 69 degrés de longitude, ils atteignirent le beau fleuve des régions pampéennes, qui, après un long parcours, va se jeter dans l'Atlantique. Pendant les deux journées suivantes, le voyage s'accomplit sans incident. Même monotonie et même stérilité du terrain. Le soir, les chevaux s'arrêtèrent au bord d'un vaste lac, aux eaux fortement minéralisées, le Roulanquin, nommé lac amer par les Indiens. On campa, à la manière accoutumée, et la nuit aurait été bonne, n'eût été la présence des singes qui exécutèrent une de ces symphonies naturelles que n'eût pas désavouée un compositeur de l'avenir.